le 7-9 sur France Inter. Le billet de François Morel. François, c'est à vous. En ce qui concerne le second tour de la législative du Doubs dimanche prochain, la position de l'UMP depuis que Nicolas Sarkozy en est le président est claire, peut-être n'a-t-elle pas été suffisamment expliquée. Vous êtes là pour ça. Je vais le faire, ce n'est pas mon travail, je trouve un peu paradoxal que ce soit moi qui doive me coller un exercice pédagogique qui devrait être assuré par les plus grands commentateurs politiques de France Inter, mais puisque le travail n'a pas été explicitement détaillé, je vais le faire par civisme, par volonté d'éclairer les foules, de les édifier, de les instruire, tout simplement par sens patriotique. Nicolas Sarkozy a pu en effet donner l'impression qu'il enterrait le Front républicain en ouvrant un boulevard au Front national. Il n'en est évidemment rien. Pour vous aider à comprendre une position limpide, j'aimerais que vous soyez assez attentif à mon explication, suffisamment transparente pour pouvoir être résumée en une seule phrase. Le choix entre le PS et le FN est simple pour l'UMP puisque quand son candidat n'est pas qualifié pour le second tour, il faut tout simplement voter contre le FN en choisissant le candidat qui lui fait face, en l'occurrence celui du PS. C'est en effet la position exprimée notamment par Nathalie Kosciusko-Morizet tout en refusant naturellement d'incarner ce système de l'UMPS qui est moqué par le parti de Marine Le Pen et dont il ne faut pas se faire le représentant en exprimant une sorte de mépris vis-à-vis des électeurs et en donnant des consignes de vote dans un sens qui ne serait pas celui de la direction dans laquelle veut se diriger la droite républicaine, qui n'a sûrement pas vocation à infantiliser les électeurs de l'UMP, car chacun peut bénéficier d'un libre arbitre, qu'il soit simple électeur, militant de base ou même député d'une circonscription quelconque, qui aura sans doute peut-être le désir prochain de voter pour défendre la loi Macron, malgré les consignes contraires de Nicolas Sarkozy, qui, à ce moment-là, ne seront pas des marques d'infantilisation, car j'aimerais bien qu'on ne mélange pas tout, mais au contraire des demandes de fidélité, d'attachement, de loyalisme, d'allégeance vis-à-vis d'un parti dont le député est le représentant et qu'il n'a pas à utiliser au gré de sa fantaisie, surtout quand ce parti connaît des difficultés innombrables. Par conséquent, le rôle de l'UMP est primordial dans ce second tour doubiste, puisqu'il aura le rôle d'arbitre, rôle central, essentiel, déterminant, et qu'il serait malvenu qu'une position floue, brumeuse, imprécise, incompréhensible, amène les électeurs, sans souci d'élégance ou de raffinement, à crier aux chiottes l'arbitre, ce qui, en tout état de cause, obligerait la direction du parti de Nicolas Sarkozy à dire haut et fort que, dans le cas où le PS, bien que devant l'UMP, n'aurait pas la réaction civique de se retirer, ce qui, naturellement, réglerait le problème, puisque dans ce cas-là, l'UMP aurait toutes les chances de gagner les élections face au FN, le mieux serait encore de ne pas voter pour le PS ou contre le PS ou en faveur du FN ou contre le FN et contre le PS, et que c'est ce courage politique exprimé haut et clair qui augure de perspectives enthousiasmantes pour l'avenir politique de la France. C'est clair ou je dois répéter ? Non, on n'a plus le temps. François Morel à retrouver en vidéo sur franceinter.fr et à recopier 50 fois pour ceux qui n'auraient pas complètement compris. Je pense que cette chronique aurait plu à quelqu'un qui nous manque aujourd'hui et qui était le plus grand des bavards. Vous voyez de qui je veux parler ? José Arthur, pour qui il y aura un rassemblement silencieux demain pour lui rendre hommage. Rendez-vous samedi 7 février sur le parvis de l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, entre 11 et 13 heures. Et libre à ceux qui l'aiment de porter comme lui ce jour-là une écharpe blanche. Voilà, exactement, ce sera demain.